Genèse chapitre 11. Alors toute la terre avait un même langage et une même parole. Mais il arriva qu'étant partis d'Orient, ils trouvèrent une campagne au pays de Sinar, où ils habitèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques, et les cuisons très bien au feu. » Ils eurent donc des briques au lieu de pierre, et le bitume leur fut au lieu de mortier. Puis ils dirent, « Venez, bâtissons-nous une ville, et une tour de laquelle le sommet soit jusqu'aux cieux, et acquérons-nous de la réputation, de peur que nous ne soyons dispersés sur toute la terre. » Alors l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que les fils des hommes bâtissaient. Et l'Éternel dit, « Voici, ce n'est qu'un seul et même peuple, ils ont un même langage, et ils commencent à travailler, et maintenant rien ne les empêchera d'exécuter ce qu'ils ont projeté. Venez donc, descendons, et confondons-la leur langage, afin qu'ils n'entendent point le langage l'un de l'autre. » Ainsi l'Éternel les dispersa de là par toute la terre, eux, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi son nom fut appelé Babel, car l'Éternel y confondit le langage de toute la terre, et de là il les dispersa sur toute la terre. C'est ici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpaxa, 2 ans après le déluge, et Sem, après qu'il eut engendré Arpaxa, vécut 500 ans, et engendra des fils et des filles. Et Arpaxa vécut 35 ans, et engendra Sela, et Arpaxa, après qu'il eut engendré Sela, vécut 403 ans, et engendra des fils et des filles. Et Sela, ayant vécu 30 ans, engendra Ebé, et Sela, après qu'il eut engendré Ebé, vécut 403 ans, et engendra des fils et des filles. Ebé, ayant vécu 34 ans, engendra Pel, et Ebé, après qu'il eut engendré Pel, vécut 430 ans, et engendra des fils et des filles. Et Pel, ayant vécu 30 ans, engendra Réu, et Pel, après qu'il eut engendré Réu, vécut 209 ans, et engendra des fils et des filles. Et Réu, ayant vécu 32 ans, engendra Seru, et Réu, après qu'il eut engendré Seru, vécut 207 ans, et engendra des fils et des filles. Et Seru, ayant vécu 30 ans, engendra Nacor, et Seru, après qu'il eut engendré Nacor, vécut 200 ans, et engendra des fils et des filles. Et Nacor, ayant vécu 29 ans, engendra Taré, et Nacor, après qu'il eut engendré Taré, vécut 119 ans, et engendra des fils et des filles. Et Taré, ayant vécu 70 ans, engendra Abram, Nacor et Haran. Et c'est ici la postérité de Taré, Taré engendra Abram, Nacor et Haran engendra Lo. Et Haran mourut en la présence de Taré, son père, au pays de sa naissance, à Ur des Chaldéens. Et Abram et Nacor prirent chacun une femme, le nom de la femme d'Abram fut Saraï, et le nom de la femme de Nacor fut Milca, fille de Haran, père de Milca et de Jiska. Et Saraï était stérile, et n'avait point d'enfant. Et Taré prit son fils Abram, et Lo, fils de son fils, qui était fils de Haran, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils, et ils sortirent ensemble du Ur des Chaldéens, pour aller au pays de Chanaan, et ils vinrent jusqu'à Charan, et y demeurèrent. Et les jours de Taré furent 205 ans, puis il mourut à Charan.